Cynthia fait des victimes en Europe. La tempête qui balaie le continent depuis hier a fait entre 45 et 50 morts en France. De nombreuses communes sont inondées et plus de 500 000 foyers français sont privés d'électricité. François Fillon, le Premier ministre, évoque une catastrophe nationale. C'est une tempête exceptionnelle alliée à des coefficients de marée très élevés sur la côte vendéenne et sur la côte de Charente-Maritime qui est à l'origine de cette catastrophe. Beaucoup des victimes ayant été noyées, surprises par une montée extrêmement rapide des eaux du fait notamment dans la baie de l'Aiguillon de la rupture en plusieurs endroits des digues qui protègent les habitations. C'est donc une catastrophe nationale et mes premières pensées vont vers les victimes et vers leurs familles auxquelles je veux présenter les condoléances du gouvernement et de la nation. Maintenant, la priorité, c'est de mettre en sécurité toutes les personnes sans abri, toutes les personnes qui sont encore menacées par la montée des eaux. Il s'agit ensuite de renforcer d'urgence les digues, de rétablir l'électricité puisque 820 000 foyers sont encore privés d'électricité. Les arrêtés de catastrophe naturelle seront publiés dans les 48 heures. Enfin, le gouvernement va, avec les collectivités locales, mettre sur pied sans tarder un plan exceptionnel de reconstruction et de renforcement des digues. François Fillon, le Premier ministre français, dans des propos recueillis par Franck Alexandre. La situation se normalise petit à petit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où Air France avait annulé plus d'une centaine de vols. Et puis plusieurs stations de ski ont été fermées, notamment dans les Pyrénées.